Première partie, le symbole des apôtres ou credo. Chapitre 1, le credo en général. Quelle est la première partie de la doctrine chrétienne? La première partie de la doctrine chrétienne est le symbole des apôtres, appelé communément le credo. Pourquoi appelez-vous le credo symbole des apôtres? Le credo est appelé symbole des apôtres parce qu'il est un abrégé des vérités de la foi enseignées par les apôtres. Combien y a-t-il d'articles dans le credo? Il y a dans le credo 12 articles. Récitez-les. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Que veut dire le mot credo? Je crois que vous dites au commencement du symbole. Le mot credo, je crois, veut dire « je tiens pour absolument vrai tout ce qui est contenu dans ces 12 articles, et je le crois plus fermement que si je le voyais de mes yeux, parce que Dieu, qui ne peut ni se tromper ni tromper personne, a révélé ses vérités à la Sainte Église catholique, et par elle nous les révèle à nous-mêmes. » Que contiennent les articles du credo? Les articles du credo contiennent les principales choses que nous devons croire sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur l'Église, son épouse. Est-il bien utile de réciter souvent le credo? Il est très utile de réciter souvent le credo pour imprimer toujours davantage dans notre cœur les vérités de la foi. Chapitre 2, le premier article du symbole. Section 1, Dieu le Père et la création. Que nous enseigne le premier article? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le premier article du credo nous enseigne qu'il y a un seul Dieu, qu'il est tout-puissant et qu'il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme, c'est-à-dire l'univers entier. Comment savons-nous qu'il y a un Dieu? Nous savons qu'il y a un Dieu parce que notre raison nous le démontre et que la foi nous le confirme. Pourquoi donne-t-on à Dieu le nom de Père? On donne à Dieu le nom de Père. 1. Parce qu'il est par nature Père de la seconde personne de la très sainte Trinité, c'est-à-dire du Fils qu'il a engendré. 2. Parce que Dieu est le Père de tous les hommes qu'il a créés, qu'il conserve et qu'il gouverne. 3. Enfin, parce qu'il est le Père par la grâce de tous les bons chrétiens, appelés pour cela les fils adoptifs de Dieu. Pourquoi le Père est-il la première personne de la très sainte Trinité? Le Père est la première personne de la très sainte Trinité, parce qu'il ne procède pas d'une autre personne, mais qu'il est le principe des deux autres personnes, c'est-à-dire du Fils et du Saint-Esprit. Que veut dire le mot tout-puissant? Le mot tout-puissant veut dire que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu ne peut ni pécher ni mourir, comment dit-on alors qu'il peut tout faire? On dit que Dieu peut tout faire, bien qu'il ne puisse ni pécher ni mourir, parce que le pouvoir de pécher ou de mourir n'est pas un effet de puissance mais de faiblesse, et ne peut pas être en Dieu qui est infiniment parfait. Que veut dire créateur du ciel et de la terre? Créer veut dire faire de rien. Aussi, Dieu est appelé le créateur du ciel et de la terre parce qu'il a fait de rien le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme, c'est-à-dire l'univers entier. Le monde a-t-il été créé seulement par le Père? Le monde a été créé également par les trois personnes divines, parce que tout ce que fait une personne concernant les créatures, les autres le font aussi dans un même acte. Pourquoi donc la création est-elle attribuée particulièrement au Père? La création est attribuée spécialement au Père parce que la création est un effet de la toute-puissance divine et que la toute-puissance est attribuée spécialement au Père, comme la sagesse au Fils et la bonté au Saint-Esprit, bien que les trois personnes soient également puissantes, sages et bonnes. Dieu a-t-il soin du monde et de toutes les choses qu'il a créées?

et ces perfections sont en nous un reflet de l'infinie grandeur du Seigneur. En quel état Dieu a-t-il créé nos premiers parents, Adam et Ève ? Dieu a créé Adam et Ève dans l'état d'innocence et de grâce, mais bientôt ils en déchurent par le péché. Outre l'innocence et la grâce sanctifiante, Dieu ne fit-il pas d'autres dons à nos premiers parents ? Outre l'innocence et la grâce sanctifiante, Dieu fit à nos premiers parents d'autres dons qu'ils devaient transmettre à leurs descendants avec la grâce sanctifiante. C'était l'intégrité, c'est-à-dire la parfaite soumission des sens à la raison, l'immortalité, l'immunité de toute douleur et misère, et la science proportionnée à leur état. Quel fut le péché d'Adam ? Le péché d'Adam fut un péché d'orgueil et de grave désobéissance. Quel fut le châtiment du péché d'Adam et d'Ève ? Adam et Ève perdirent la grâce de Dieu et le droit qu'ils avaient au ciel. Ils furent chassés du paradis terrestre, soumis à beaucoup de misère de l'âme et du corps et condamnés à mourir. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, auraient-ils été exempts de la mort ? Si Adam et Ève n'avaient pas péché et qu'ils fussent restés fidèles à Dieu, après un séjour heureux et tranquille sur cette terre, sans mourir, ils auraient été transportés par Dieu dans les ciels pour y jouir d'une vie éternelle et glorieuse. Ces dons étaient-ils dus à l'homme ? Ces dons n'étaient dus à l'homme en aucune façon, mais ils étaient absolument gratuits et surnaturels. Aussi, quand Adam eut désobéi au commandement divin, Dieu put sans injustice priver de ses dons lui et sa postérité. Ce péché est-il propre seulement à Adam ? Ce péché n'est pas seulement le péché d'Adam, il est aussi le nôtre, quoique différemment. Il est propre à Adam parce que c'est lui qui le commit par un acte de sa volonté, et par là il fut pour lui péché personnel. Il nous est propre parce que, Adam ayant péché comme chef et souche de tout le genre humain, son péché est transmis par la génération naturelle à tous ses descendants, et par là il est pour nous péché originel. Comment est-il possible que le péché originel passe dans tous les hommes ? Le péché originel passe dans tous les hommes parce que, Dieu ayant conféré au genre humain, en Adam, la grâce sanctifiante et tous les autres dons surnaturels, à condition qu'Adam ne désobéit pas, celui-ci désobéit en qualité de chef et de père du genre humain et rendit la nature humaine rebelle contre Dieu. Aussi, la nature humaine est-elle transmise à tous les descendants d'Adam dans un état de rébellion contre Dieu et privée de la grâce divine et des autres dons. Tous les hommes contractent-ils le péché originel ? Oui, tous les hommes contractent le péché originel, excepté la très sainte Vierge qui en fut préservée par un privilège spécial de Dieu, en prévision des mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur. Après le péché d'Adam, les hommes n'auraient-ils pas pu se sauver ? Après le péché d'Adam, les hommes n'auraient pas pu se sauver, si Dieu n'avait pas été miséricordieux à leur égard. Comment Dieu fut-il miséricordieux envers le genre humain ? Dieu fut miséricordieux envers le genre humain en promettant tout de suite à Adam le Rédempteur divin ou Messie et en envoyant ce Messie au temps marqué pour délivrer les hommes de l'esclavage du démon et du péché. Quel est le Messie promis ? Le Messie promis est Jésus-Christ, comme nous l'enseigne le second article du Credo.